Comment vas-tu en ce lundi 23 novembre? Je suis Lia et oui, je suis en direct avec toi. Je suis ravie de t'accompagner durant cette huitième de micro ouvert où je te passerai l'entretien réalisé avec Marjolaine du Jardin Une Figue dans le Poirier, entre autres, avant tout maman. Je t'en parlais la semaine dernière, si tu as suivi, nous évoquons ensemble l'instruction en famille depuis la loi Ferry du 28 mars 1882. L'instruction obligatoire des enfants peut être donnée soit dans des établissements publics, soit dans des établissements privés, soit dans les familles. Le 2 octobre dernier, Emmanuel Macron a annoncé sa décision de limiter strictement cette troisième possibilité afin de s'attaquer au séparatisme islamique, ce qui soulève forcément beaucoup de questions. Des parents du Girmont-Val d'Ajol se battent, et pas que, hein, bien entendu, hein, mais se battent pour conserver cette liberté menacée, dont Marjolaine, que vous entendrez durant cette émission. Bon, tu le sais, la mission première de Radio Guémozo, eh bien, c'est de donner la parole à tous, mais aussi de relayer les infos de notre secteur. Mais reconfinement oblige tous les événements culturels, en tout cas une grande majorité d'entre eux sont annulés. Alors j'ai fait mes petites recherches et j'ai fait un tour pour toi de ce qu'il se passe en ce moment dans nos coins, car malgré tout, eh bien, les idées fourmillent. Mais avant ça, je commence par te sortir quelques sons que j'ai choisis pour toi. Et aujourd'hui, eh bien, je te propose une reprise incroyable, celle de Christine and the Queen, du titre de Véronique Sanson, Rien que de l'eau, en direct d'une émission qui lui était consacrée. Elle est d'ailleurs restée bouche bée après cette interprétation vraiment sublime. Et voilà, merci auditeur d'être à l'écoute en ce lundi. J'espère que ta semaine a bien commencé. Est-ce que tu as vu le ciel sublime de hier soir? J'étais en train d'écrire cette émission. La lumière était tamisée, elle est venue cueillir mon attention. J'étais tellement subjuguée par ce spectacle incroyable. Voilà, c'était la minute confidence. Alors je te le disais juste avant, j'ai fait mes petites recherches pour aujourd'hui. J'ai fouiné pour te donner quelques infos du secteur. Et voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que nous dit Remiremont-Vallée. Après la généreuse boîte aux lettres du Père Noël ayant pris place sous le kiosque situé aux abords du parking du centre social et l'annonce de la prochaine distribution de plusieurs centaines de colis au Navoiro, donc ça se passe à Saint-Nabord, de plus de 71 ans, la commune a également lancé un concours de dessin sur le thème « Eh bien, dessine-moi un beau Saint-Nicolas ». Ce concours s'adresse tout particulièrement aux jeunes enfants âgés de 3 à 10 ans avec à la clé une récompense pour la plus belle création dans chacune des tranches d'âge suivantes, 3, 5 ans, 6, 7 ans et 8, 10 ans. C'est ainsi que la boîte aux lettres destinée à recevoir les dessins a été installée en extérieur au droit de l'entrée principale de la mairie. Elle est magistralement gardée par le bon patron de la Lorraine, ainsi représenté grandeur nature, en compagnie de son âne, une représentativité que l'on doit au personnel des ateliers municipaux et au doigté artistique de Corinne Vincent, agent territorial spécialisé à l'école maternelle. Je vais y arriver. Les enfants ont jusqu'au lundi 30 novembre pour déposer leurs œuvres, dessins, collages ou autres peintures dans la boîte de Saint-Nicolas. C'est plutôt sympa, je trouve. Un petit tour côté Job. Mercredi 9 décembre de 17 à 20h aura lieu la troisième édition de l'événement Job Dating. Premier stage, premier job. Cette nouvelle session sera forcément différente, vu le contexte sanitaire. C'est donc un e-job dating ou plutôt un job dating en ligne qui sera proposé aux participants avec à la clé des postes basés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et surtout des Vosges. En participant, il sera possible de rencontrer en visioconférence des recruteurs afin d'avoir des entretiens dématérialisés. Un espace en ligne avec des offres d'emploi dédiées aux jeunes sera également à retrouver à cette adresse, accroche-toi bien, https://wiz.bi/3n7belj. Je pense que je vais remettre le lien dans le podcast, avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui, ce sera plus simple. Avant de continuer, je te repasse quelques-uns de mes sons préférés. J'ai choisi pour tout de suite Daymarks de Catching Flies. J'espère que ça va te plaire. Je te dis à tout de suite. Oh, J'espère que tu passes un bon moment, auditeur. Alors, je te le disais en début d'émission, c'est le moment de te faire écouter la première partie de mon entretien avec Marjolaine qui se bat pour garder la liberté du mode d'instruction pour ses enfants. On parle d'instruction en famille. Elle n'est pas seule. Un collectif s'est monté et pour cause. En septembre 2020, c'est 90 enfants de maternelle, 111 enfants du CP au CM2 et 111 enfants entre 11 et 16 ans qui bénéficient dans les Vosges de l'instruction en famille, autant d'enfants et de familles qui attendent de savoir s'ils vont pouvoir continuer ce mode d'instruction, continuer d'avoir ce choix et cette liberté. Il est temps de tendre l'oreille, auditeur. Nous sommes avec Marjolaine, que l'on connaît par ses activités au sein d'une FIG dans le Poirier, située au Girmont, Val d'Ajol, mais pas que. Bonjour Marjolaine, comment ça va ? Bonjour Liam, ça va bien, merci, et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, je parle avec toi aujourd'hui de l'instruction en famille, car c'est la liberté, le choix que tu as fait pour tes enfants. Vous vous mobilisez pour garder cette liberté, car le 2 octobre dernier, Emmanuel Macron annonçait, sans même attendre le vote du Parlement, qu'il mettrait fin à cette liberté d'instruction en famille, encore souvent appelée école à la maison. Un projet de loi sera déposé le 9 décembre sur le séparatisme religieux et la suppression de l'instruction en famille. Plusieurs arguments ont donc été avancés, un mélange d'amalgames pour tout dire, en tout cas c'est mon avis, pour mettre fin à l'instruction en famille. L'exemple d'écoles clandestines a également été cité, en plus de la lutte contre le séparatisme et l'islam radical. Pourtant, Marjolaine, l'instruction en famille, eh bien, elle est quand même contrôlée. Oui, tout à fait. En fait, donc, l'instruction en famille, c'est un mode d'instruction. Donc, depuis 1936, voilà, on a la possibilité de choisir en fait le mode d'instruction que l'on veut pour nos enfants. Donc, l'école n'est pas obligatoire, elle est conseillée, mais l'instruction en famille est un mode d'instruction qui nous permet de nous ouvrir sur le vaste monde et d'avoir aussi des interactions avec plein de personnes. Et effectivement, ben, l'instruction en famille est très encadrée en fait depuis 1936, puisque du coup nous devons déjà déclarer nos enfants à deux endroits. Nous devons chaque année les déclarer à la mairie, donc dans le lieu de résidence des enfants. La mairie vient effectuer un contrôle de l'environnement des enfants pour voir si le contrôle est bien propice en fait à l'instruction. Et nous devons déclarer nos enfants tous les ans aussi à la DESEN, c'est-à-dire à l'inspection académique, et qui elle vient tous les ans contrôler les acquis des enfants en fonction des grilles établies par l'éducation nationale qui sont à notre disposition sur le site du ministère de l'Éducation. Et donc il y a un rapport qui est rédigé en fait par l'inspecteur ou par des conseillers pédagogiques qui viennent évaluer nos enfants pour suivre leur niveau d'une année sur l'autre et ainsi du coup veiller en fait à ce que le socle commun soit bien présent en fait chez les enfants qui font l'instruction en famille. Donc oui, on a un double dispositif qui nous encadre bien en fait, oui, pour mener à bien ce mode d'instruction. D'accord. Donc moi personnellement, je ne vois pas vraiment le souci puisque voilà, l'encadrement est bien là. Alors je cite là un collectif d'une douzaine de familles de la circonscription de Remiremont s'est constitué pour faire connaître la réalité de l'instruction en famille et surtout pour conserver cette liberté du choix de l'instruction pour leurs enfants. Tu en fais partie ? Oui, j'en fais partie. Et donc en fait, on est trois familles. On s'est réunis parce que on s'est rendu compte que les familles, des familles en général qui essayent de, ben, suite à l'allocution du président, qui ont essayé un peu de se mobiliser, les familles faisaient des choses de leur côté. Oui. Chacune envoyait des lettres aux députés, essayait de faire valoir un peu leur, leur prérogative, oui, en tout cas, voilà. Et en fait, avec quelques amis, on s'est dit que l'impact serait bien plus important si un collectif de parents se mettait en place afin de un peu centraliser les informations et puis surtout délivrer une information juste et éclairée sur que c'est que l'instruction en famille. Donc pour cela, notre collectif a écrit un manifeste pour la liberté d'instruction qui fait quand même une trentaine de pages et qui réexplique un petit peu effectivement les les encadrements, qu'est-ce que c'est que l'instruction en famille, quels sont les motifs en fait aussi qui sont présents pour auprès des familles pour essayer ce mode d'instruction. Enfin voilà, on a essayé un petit peu de synthétiser un petit peu tout ça pour un peu aussi casser les préconçus et les espèces de, on a l'impression qu'il y a une espèce de nébuleuse qui tourne autour du thème de l'instruction en famille, avec beaucoup de préjugés, de préconçus ou de peur, hein, tout simplement sur ce mode d'instruction, puisque c'est un mode d'instruction qui est assez marginal, qui est très peu connu, et donc il y a pas mal d'idées fausses en fait qui circulent sur notre compte, et notamment il y a très peu de personnes qui savent qu'on est très très encadré, par exemple. Oui. Donc alerter en fait nos élus, nos députés avec la rédaction de ce dossier, la constitution d'un collectif, ça nous a permis vraiment d'avoir du poids. Et au niveau de la troisième circonscription, demain, par exemple, demain matin à 10h, on a une visioconférence avec Monsieur Mégelen, là, le député de la troisième circonscription, et il a invité les familles de la circonscription qui font l'instruction en famille à participer à une visioconférence pour mieux connaître le sujet, pour pouvoir le défendre, en fait, défendre notre voix à l'hémicycle, là, prochainement. Donc, oui. Voilà, donc ça a été un vrai travail de terrain, oui. La constitution de ce collectif, parce qu'en fait, on ne se connaît pas tous non plus, donc on a découvert des nouvelles familles le pratiquant, et en fait, on est bien plus nombreux que ce qu'on pensait, donc voilà. Oui. Si jamais il y a des familles encore que tu n'as pas rencontrées et qui souhaitent participer à cette visioconférence demain à 10h, qui pratiquent eux aussi l'instruction en famille, c'est possible? Oui, tout à fait. Alors, il faut contacter le secrétariat de Monsieur Mégelen, donc à sa permanence, et vous pouvez demander à être mis dans la boucle et qu'on vous envoie en fait les informations avec le code pour participer à la visioconférence. Mais bien sûr, les familles qui font l'instruction en famille sont invitées en fait à se manifester auprès du secrétariat pour participer à la réunion si elles le souhaitent. C'est super. Alors tu le disais, hein, certains préjugés sont mis en avant, pour un petit peu expliquer cette peur et cette envie que cette liberté cesse, comme par exemple l'exclusion sociale des enfants. Pourtant, la réalité est bien différente. Pourquoi toi tu as choisi cette instruction en famille et quels avantages tu y vois? Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que c'est une grosse question d'organisation, ce mode d'instruction en famille. Les parents qui se lancent dans ce mode ne le font pas à la légère, hein, parce que ça demande beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'encadrement pour l'enfant, etc. Oui, c'est vrai que je pense que il y a pas mal de parents qui ont goûté à l'instruction en famille malgré eux pendant le premier confinement. Oui. Et qui, je pense, se sont vraiment rendus compte de ce que c'est aussi d'accompagner ces enfants dans les apprentissages. Donc, pour certains, ça a été une vraie souffrance. Oui. Et pour d'autres, ça a été une révélation. Et je crois que, en fait, nous, donc ce choix de l'instruction en famille, en ce qui nous concerne, c'est un choix qu'on a fait à l'échelle de notre famille. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule à porter ce projet d'instruction. C'est important aussi de préciser que souvent, les papas, en fait, font partie de cette démarche-là, cette démarche d'instruction. En tout cas, dans notre famille, c'est le cas. On est vraiment deux, Lilian et mon compagnon et moi-même, à être auprès de nos enfants pour les instruire. Donc, c'est un choix, en fait, qui s'est fait un peu ça fait 6 ans en fait qu'on pratique, oui. Si vous voulez, l'instruction en famille. À partir du moment où notre fille aînée, Olive, est née. En fait, ça s'est inscrit un peu dans un processus. Au début, Lilian qui m'en a parlé le premier. Ah oui. En me disant, mais tu sais, est-ce que tu nous vois la mettre à l'école à 3 ans, etc. Alors qu'on faisait déjà du maternage ou du paternage proximal. Oui. C'est-à-dire qu'on a voulu un projet de naissance naturel, on a été accompagné par une sage-femme en libéral juste extraordinaire, qui nous a ouvert les portes de la communication active avec notre fille quand elle était dans notre ventre. On était déjà dans beaucoup de partages d'émotions très très fortes. T'en est suivi d'un allaitement long, d'un accompagnement. Moi, je me voyais pas me séparer de notre fille comme ça. Donc, j'ai jamais senti la nécessité de la confier à une nourrice ou à une crèche, etc. Enfin, ça faisait partie vraiment Et Olive était un bébé qui est un peu un bébé koala, comme je dis. Elle avait vraiment des besoins spécifiques, oui. Des besoins d'accompagnement, de proximité pour avancer toute seule dans le vaste monde. Et donc, sans être on n'était pas là pour la couver, mais on sentait que ça répondait à un besoin de sa personnalité en tant qu'individu. Et donc, plus on avançait dans l'âge, moins effectivement on se voyait l'inscrire à l'école publique et dire ben voilà, on va l'année prochaine, elle rentre à l'école. Enfin, en fait, finalement, les choses se sont mises en place petit à petit et ça nous est paru comme une évidence en fait de la garder à nos côtés parce qu'elle était bien, parce que ça respectait son rythme physiologique. Il n'y avait pas de réveil le matin, c'est elle qui se réveillait quand elle avait besoin de se réveiller. Nous on a un projet donc de jardin en permaculture au Girmont Val d'Ajol et donc ben elle son école c'est le jardin, c'est l'école de la vie du vivant sauvage, donc c'était ça son école, enfin c'est toujours ça d'ailleurs. Et plus les années avançaient et moi en fait on s'est posé la question de ben est-ce que l'année prochaine on l'inscrit à l'école ou pas. Et donc l'année dernière, il y avait déjà une loi qui était passée, comme quoi l'instruction devenait obligatoire à partir de 3 ans. Oui. Avant c'était jusqu'à 6 ans. C'est à partir de 6 ans. Et donc l'année dernière, Olive avait 5 ans, donc elle était en grande section maternelle. Mm-hmm. Et donc on a dû la déclarer pour la première fois auprès donc de la mairie et de l'inspection académique. Et elle a connu son premier contrôle, sa première évaluation l'année dernière. D'accord. Donc voilà, on est rentré vraiment dans un système d'instruction famille très encadré depuis l'année dernière et ça s'est très bien passé voilà, Olive était plutôt heureuse de montrer à l'inspecteur et au conseiller tout ce qu'elle avait pu faire, apprendre, découvrir tous ses dessins. Enfin, elle avait envie de leur montrer le jardin, ils n'avaient pas le temps, mais voilà. Donc c'était une belle expérience. Bon, toutes les familles ne connaissent pas des expériences comme cela. Ça dépend aussi des personnes que l'on a en face de nous qui viennent contrôler nos enfants. Certaines ont effectivement des préjugés sur l'instruction famille, ah oui. Même dans l'éducation nationale. Et donc, des fois, il arrive souvent que les familles soient confrontées à des conseillers pédagogiques qui ne soient pas forcément bienveillants avec les enfants. Enfin, qui viennent déjà en pensant qu'on est contre l'institution, alors que pas forcément, ou dans notre cas, c'est pas du tout. Parce que moi, j'avais pensé être enseignante, donc c'est pas... Enfin, voilà, les choix sont vraiment multiples. Et en tout cas, nous, notre choix de l'instruction en famille, c'est vraiment dans une continuité, dans un prolongement d'un accompagnement de notre fille. Et aujourd'hui, on a un petit garçon de 18 mois, d'un an et demi, Hyacinthe. Et Hyacinthe, il n'a pas du tout la même personnalité que sa sœur. Oui. Et peut-être que lui, l'école, il en aura peut-être envie un jour. Et donc, s'il a envie de faire cette découverte-là quand il sera en âge, on l'invitera en fait à aller faire son expérience. Et notre fille, Olive, sait aussi que si elle a envie un jour de découvrir l'école, elle pourra le faire. Mais jusqu'à présent, elle dit que non, qu'elle a envie de rester avec nous et que c'est très bien comme ça. Voilà, donc voilà un peu notre aventure familiale qui est la nôtre. Mais les autres familles ont parfois eu besoin de déscolariser leurs enfants pour des raisons diverses, parce qu'ils sont à haut potentiel, parce qu'ils sont neuroatypiques, parce qu'ils ont connu le harcèlement scolaire, parce qu'ils ont connu le racisme, parce qu'ils ont connu la xénophobie, parce qu'ils ont connu la phobie scolaire, parce qu'ils ont connu l'agoraphobie, parce qu'ils ont des soucis comme de la dyspraxie, de la dyslexie. D'autres, c'est pour un besoin d'état de santé, et d'autres, tout simplement, parce qu'ils ont des intérêts et des passions tellement fortes que, du coup, les passions ont besoin de primer sur le reste, ou en tout cas, les passions sont... On connaît un adolescent là qui est juste extraordinaire, qui a 14 ans et qui est juste passionné de cuisine. On en connaît un deuxième qui a 13 ans, qui est passionné de journalisme et de vidéo, voilà. Et les deux ont une passion tellement dévorante qu'en fait ils apprennent en fait le français, les maths, la bio, etc. par le biais de leur passion. Et en fait c'est des puits de science, des puits de savoir. Et c'est juste que ces enfants-là, à un moment donné, ils se sont sentis en marge en fait d'un système scolaire traditionnel et puis des fois en marge aussi de leurs propres enfants qui avaient le même âge qu'eux. Et donc la structure en famille peut être aussi juste parce qu'il y a des passions très très fortes qui ont besoin d'être assouvies. Et puis des fois, comme nous, c'est plus par rapport à un environnement. On a envie d'offrir plutôt des grands moments à l'extérieur. On n'est pas de réveil le matin. On n'a pas envie de se contraindre avec les réveils, avec un rythme métro boulot dodo adapté à nos enfants. Enfin, c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc voilà, les motifs sont vraiment divers en fonction des familles. Oui, pour vous éclairer. C'est parfait. J'entends bien tout ça. Et ce qui en ressort principalement, c'est quand même que l'instruction en famille, dans tous les cas que tu viens d'énoncer, eh bien, ça respecte le rythme de l'enfant et l'individualité aussi de l'enfant, que l'on oublie beaucoup à travers le système scolaire traditionnel. Alors, bien sûr, on ne jette pas du tout la pierre aux écoles traditionnelles, pas du tout. On félicite, bien sûr, le travail que tous ces gens font quand ils le font avec bienveillance. C'est parfait. Mais voilà, à travers l'instruction en famille, on peut aussi s'accorder du temps avec son enfant pour chercher plus loin dans ses passions, vraiment approfondir certaines choses qui ne pourraient pas être faites à l'école. Mais il n'empêche que voilà, le socle commun est quand même respecté. De toute façon, voilà, tu l'as dit, c'est contrôlé. Un inspecteur de l'académie vient pour voir si l'enfant est bien à jour par rapport à son âge, si je puis dire comme ça. Et ça, voilà, c'est très très important de respecter cette individualité, ce rythme de l'enfant, ce qui n'est quand même pas encore gagné en France, quoi. Comme tu le dis si bien, c'est encore une fois, c'est pas la faute. Enfin, nous, on remet pas du tout en question le travail des enseignants qui font un travail formidable et heureusement qu'ils existent pour plein d'enfants. Enfin, il y a des enfants qui sont heureux à l'école. Il y a des enfants qui, et heureusement pour certains, que l'école existe aussi pour pouvoir se sortir d'un contexte parfois socioculturel difficile, voire familial aussi. Donc heureusement que l'école publique existe et heureusement que l'école privée peut exister aussi, parce que ben voilà, il en faut pour tout le monde. Les familles peuvent trouver leur content en fait aussi dans les écoles privées. En tout cas, qu'un système éducatif existe, c'est primordial. Mais nous, voilà, c'est vrai qu'on revendique aussi cette possibilité d'accompagner nos enfants dans leur individualité, tu l'as très bien dit. Et l'avantage de faire l'instruction en famille, c'est que ben on peut être vraiment à côté de nos enfants. C'est-à-dire qu'ils sont pas noyés à 28 par classe, avec du coup un enseignant ne peut pas faire face à 28 enfants différents, qui a des modes de compréhension différents, où il faudrait du coup 15 pédagogies différentes pour faire passer un savoir. C'est très très compliqué ce travail qu'ils font ces enseignants. Et c'est vrai que nous, du coup, si on décide de prendre en charge l'instruction de nos enfants, ça nous permet de trouver vraiment là où les méthodes correspondent aux enfants. Et le but vraiment pour nous, c'est leur épanouissement, développer la confiance en soi, l'autonomie, vraiment la prise de responsabilité aussi par rapport à son apprentissage. On nourrit la curiosité aussi, et on fait en fait un travail d'enseignant, mais à l'échelle d'un ou deux enfants, ou trois enfants, ou quatre enfants, quand c'est l'échelle de la famille. Et l'avantage, j'ai envie de dire, de l'instruction en famille, par contre, c'est l'ouverture sur le monde et sur la différence aussi. Oui, oui. C'est-à-dire que ben les enfants dans une classe, ils sont à 28 par classe, donc il y a de la diversité, forcément, entre les camarades. Mais ils restent ensemble pendant 1, 2, 3, 4 ans. Ils se suivent en général sur plusieurs années. Tandis que nous, en fait, et puis ils restent surtout avec le même groupe d'âge, finalement. Mmh. Nous, l'avantage avec l'instruction en famille, un des avantages, c'est aussi, on a des temps donc d'apprentissage en famille, et beaucoup de temps où on voit des amis sur l'extérieur, où les enfants sont amenés à rencontrer des enfants de plus petits, plus grands qu'eux, ou du même âge, avec des différences, des fois d'apprentissage, ou avec des handicaps, ou avec, il y a une ouverture sur le monde et sur sa diversité, et du coup qui amène aussi à une tolérance aussi de cette diversité-là. Et qui est vraiment chouette aussi et nous d'autant plus dans le cadre aussi de notre choix de vie. Nos enfants, ils sont confrontés à la vie associative, ils sont confrontés aux visiteurs qui viennent au jardin dans toute leur diversité, ils sont confrontés à des artistes qui viennent de l'étranger. Nos enfants arrivent à interagir avec des musiciens qui viennent des États-Unis, ils essayent de communiquer avec eux, c'est vraiment juste extraordinaire. Enfin, voilà, en fonction des contextes familiaux, il peut y avoir une ouverture sur le vaste monde, comme on dit, qui est juste sensationnel. Et si on étudie un sujet, par exemple, je dis un exemple qui me vient en tête, là, c'est quelque chose qu'on a fait avant le confinement, mais on était sur... Oli, elle a un petit copain qui s'appelle Elouane, qui est juste passionné de dinosaures. Et un jour, on a dit, bah tiens, si on vient d'atelier sur les dinosaures. On s'est amusé à apprendre les grandes quêtes familles de dinosaures. Et donc, il nous a expliqué des choses, on en a apporté d'autres. Puis à un moment donné, on a dit, bah tiens, si vous voulez voir, ça vous dit de qu'on se représente ce que ça fait que la taille d'un triceratops, enfin, ou d'un tyrannosaure, parce que le tyrannosaure, ça les fascine. Et donc, on a commencé à sortir des décamètres, et on a déroulé les décamètres dans la maison, rendu compte qu'un tyrannosaure, c'est juste énorme. Oui, oui. Et les enfants, ils se sont amusés à faire une échelle en s'allongeant par terre, en mettant les pieds sur la tête du copain, en s'allongeant en randonnion comme ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on soit au moins 6 ou 7. Oui. Pour pouvoir faire la taille d'un tyrannosaure. Et, oui. Et donc là, en fait, on a juste vu l'émerveillement dans leurs yeux, en train de se dire, waouh, en fait, un dinosaure, c'était énorme, c'est gigantesque. Enfin, et donc, on a le temps de faire ses expériences, de faire ses proportions, à travers le partage d'une passion d'un des copains à Audi. Oui. Et c'est ça aussi l'instruction famille, c'est des petits moments comme ça, juste d'émerveillement et de partage entre nous, entre filles, entre enfants, entre adultes. Et on se nourrit énormément, en fait, de ces échanges-là. Mais tout à fait. J'imagine que l'ouverture sur le monde dont tu parles, l'individualité, le respect du rythme de l'enfant, tout ça ont intégré le dossier qui va être présenté dans peu de temps. Est-ce que les enfants, eux aussi, ont pu témoigner, par exemple, les enfants plus grands qui ont suivi cette instruction en famille depuis quelques années, est-ce qu'ils ont pu avoir un petit peu leur place dans ce dossier qui va être présenté? Oui, alors en fait, donc il y a ce dossier qui a été rédigé par le collectif qui est très très formel, j'ai envie de dire, avec les textes de loi, le rappel de la loi, etc. Voilà. Mais aussi chaque famille a constitué une sorte de dossier individuel, un dossier de famille. Qui a été donné donc aux députés et donc les enfants nous, notre fille est trop petite encore pour vraiment se rendre compte des enjeux en fait de ce projet de loi, etc., et de ce que l'on met en place pour préserver la liberté d'instruction. Mais en tout cas, les adolescents ont été très participants. Ils ont été très affectés aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est que souvent, on dit, oui, les parents, ils font ce choix-là, mais en fait, non, les enfants font aussi ce choix-là. Et en tout cas, les deux adolescents que j'ai en tête, mais ça fait des mois, en fait, depuis le mois d'octobre, là, ils ont l'impression d'être en apnée, en fait, d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et ils redoutent, en fait, ce projet de loi, et c'est très, très anxiogène pour eux. Ça, on ne le dit pas assez. Et du coup, ces adolescents, ils ont vraiment été très acteurs en fait de ce mouvement. Et donc, on a notamment Oyane qui a 14 ans, qui a participé au reportage avec nous, qui est passé sur Via Vosges, sur la télé locale, qui a apporté son témoignage. Il y a des enfants qui ont écrit des témoignages, il y a des enfants qui ont fait des photos pour montrer leur quotidien. Il y a eu un mouvement qui s'appelle #, parce que. Et donc, ils se prenaient en photo avec des pancartes avec le #, parce que, j'aime apprendre à mon rythme, # parce que j'aime aussi apprendre et passer du temps avec mon frère, c'est important pour moi. Enfin, voilà. Et donc, les adolescents ont été très impliqués dans ce mouvement par le biais, de témoignages ou, ils ont été d'interviews. Aussi beaucoup journalistiques. Donc, c'est vrai que c'est pour eux, ce projet de loi n'est pas compréhensible. Et puis, comme tu l'as souligné, ils sont les premiers à souligner que en fait c'est anticonstitutionnel la démarche telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a été annoncée le 2 octobre avec j'ai pris la décision que, alors que le projet de loi n'est proposé que début décembre. Entre-temps, on a trouvé un document sur le site du ministère de l'Éducation nationale qui stipule, en octobre 2020, stipule clairement que à la suite donc des annonces du président de la République du 2 octobre 2020, l'instruction à l'école sera obligatoire pour tous dès 3 ans à compter de la rentrée scolaire 2021. Et donc, du coup, il y a vraiment des notions d'injonction qui sont très fortes. Et les adolescents ont été les premiers à dire, mais ça, c'est pas comme ça qu'une loi passe. Pourquoi là, c'est une injonction, mais ça suit pas le cours normal de la législation française. Enfin, donc oui, ils ont été très, très alarmés. Ouais. Et donc, du coup, très engagés dans le mouvement aussi. Eh bien, oui, je comprends. Merci Marjolaine. On retrouve la deuxième partie de cet entretien dans quelques instants. Juste avant, je te propose un petit moment voyage avec ce George et son titre Rebelle Rebelle. Tiens, c'est d'actualité. Allez, à tout de suite. Ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Faz o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem. Pouco me importa se o dinheiro. Na gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu. feet. Don't pass go no, straight to jail, please. Heard about euphoria, something about release. Such things don't stay around here. We only know about it. T'es passé un son qui n'était pas prévu. Il y a eu un petit couac d'organisation. Donc, du coup, j'ai dû me jeter sur ce son de secours. Voilà. Tu sais tout. Juste avant d'écouter la deuxième partie de mon entretien avec Marjolaine, eh bien, je te parle d'un projet solidaire qui se nomme Les Boîtes de Noël en collaboration avec le SAMU Social des Vosges pour offrir un cadeau aux plus démunis. Mouvement né en Franche-Comté puis très développé en Alsace. Il n'y avait rien en place sur les Vosges. Mais ça y est, c'est parti. Le principe, eh bien, il est très simple. Prenez simplement une boîte à chaussures et mettez-y un mot doux, un produit de beauté, un accessoire chaud, quelque chose de bon à manger, un loisir, etc., etc. Faites un emballage cadeau en indiquant sur la boîte si elle est destinée à un homme ou une femme, voilà, ou si c'est mixte, tiens, pourquoi pas. Et voilà, la collecte des boîtes se fera jusqu'au 6 décembre. Alors, la boutique Label Terre à Dompierre se propose en point relais, mais à Adol aussi, auprès d'Emmanuelle Courtois, créatrice et gérante de À Fleur de Soie et la Earl, la Dry, qui propose de la médiation animale. Et je suis très heureuse de vous informer, elle est très heureuse de vous informer que voilà, vous pourrez avoir la possibilité de déposer vos colis directement chez elle et qu'elle fera le transfert avec le SAMU social. Alors surtout si vous êtes à l'écoute et que vous avez aussi vous aussi envie d'être relais, car j'ai eu plusieurs demandes pour savoir s'il y avait des points relais dans le secteur, eh bien n'hésitez pas, hein, manifestez-vous, et ça fait bien plaisir ce genre d'action. Voilà, on retrouve la deuxième partie de mon entrevue menée ce matin avec Marjolaine. Très bonne écoute. Qu'est-ce que tu penses de cet amalgame quand même, de cette suppression de l'instruction en famille? On va pas quand même parler de ça au présent, hein, de ce projet de suppression de l'instruction en famille pour la lutte contre le séparatisme religieux. Alors du coup, je précise que je parle en mon nom de citoyenne. Je parle pas au nom d'un collectif ou quoi que ce soit. En mon nom de citoyenne, en tant que Marjolaine Touvenot, moi je trouve ce projet de loi très violent dans son ensemble. C'est un projet de loi que je récuse dans le sens où, en tout cas, dans le, j'ai bien conscience qu'il y a des notions de séparatisme en France, mais en tout cas, le séparatisme il a plein de visages. Il n'est pas que propre à une religion. Il n'est pas, c'est juste pas du tout digne du mouvement des Lumières, du mouvement humaniste et des Lumières du XVIIIe siècle, de dire que le séparatisme ne concerne qu'une communauté religieuse, parce qu'on parle jamais de séparatisme blanc, on parle jamais de séparatisme politique, on parle jamais de toutes les formes de séparatisme en fait. Oui. Et donc moi, en l'occurrence, personnellement. C'est quelque chose que je ne comprends pas, que je n'entends pas et que je n'accepte pas. Et je trouve que c'est d'une extrême violence pour deux sujets. Cette mise au banc d'une communauté religieuse minoritaire en France. Et du coup, je trouve que les amalgames sont d'autant plus intenses, puisque du coup, il y a même des enfants qui ne savent plus s'ils sont musulmans, s'ils sont islamistes. Enfin, je trouve que c'est très grave, en fait, ce qui est en train de se passer. Oui. Il y a des amalgames idéologiques, il y a des amalgames au niveau de la société. C'est-à-dire qu'on met tout le monde dans le même paquet. Et je trouve ça, ça me rappelle un passant de l'histoire qui est pas si vieux que ça. Hein. Oui. Voilà, la Seconde Guerre mondiale, c'était il n'y a pas très longtemps. Et j'ai l'impression qu'on retombe dans un système avec une sorte de on indexe en fait une partie de la population et qu'un cas isolé ou quelques cas isolés deviennent des généralités. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment énormément peur et qui me choque, me heurte personnellement. Mmh. Et effectivement, du coup, en plus, parler de séparatisme religieux et inclure le mode d'instruction en famille qui concerne en fait que 0,4% de la population française. Enfin, il y a que 0,4% des enfants qui sont déclarés instruits, qui font l'instruction en famille en France, 0,4%. Enfin, à l'échelle de la France, c'est juste incroyable. Et de dire que du coup, bah, c'est ces 0,4% là qu'on va obliger de réintégrer l'école. Enfin, mais enfin voilà. La question en plus, finalement, elle se pose plutôt dans l'inclusion. Comment faire pour que l'école soit plutôt dans l'inclusion de cette population là? Soit plutôt que les citoyens musulmans puissent se sentir plus intégrés en France, qui se sentent qui n'aient pas forcément le besoin de se réunir par communauté pour se sentir en sécurité. Mmh. Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'envers, quoi, dire mais plutôt que d'être dans l'imposition et dans cette notion de mise au banc, mais d'être plutôt dans l'inclusion sociale. Oui. Voilà, enfin moi c'est mon ressenti et donc je suis complètement enfin vous devez entendre ma voix, oui, que oui. Là j'ai pas du tout changé de ton, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Oui. Avec mes valeurs humanistes et les valeurs humanistes que l'on défend et auprès de nos enfants, c'est un projet de loi qui est d'une extrême violence. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est mon regard de moi en tant que citoyenne et pas, je ne parle pas au nom du collectif, puisque du coup le collectif protège la liberté d'instruction, mais on n'est pas rentré dans les débats politiques en ce qui concerne la notion de séparatisme en tant que telle, quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de me donner, de partager cette parole avec moi. Si on veut aider et soutenir le collectif, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. Vous pouvez toujours déjà relayer sur les réseaux sociaux notre mobilisation. Il y a des articles de presse qui passent, il y a des reportages télé qui passent. On invite aussi les professionnels de la petite enfance, les professionnels de la santé, les professionnels même, enfin donc les enseignants, enfin voilà toutes ces personnes ou même des citoyens quels qu'ils soient, à apporter éventuellement leur témoignage de soutien. Oui. Pour cela, en fait, les citoyens peuvent écrire une petite lettre ou envoyer un mail aux députés et aux sénateurs des Vosges pour faire part de leur soutien, en fait, à notre collectif, en sachant que plus on sera nombreux à dire que là, on est en train d'atteindre une des libertés fondamentales qui est quand même mise en place dans la Constitution française depuis plusieurs décennies. On est vraiment en train d'atteindre à une liberté fondamentale, en fait. Oui. Et que tout témoignage qui pourra aller dans le sens, en fait, de cette protection, de cette liberté, parce qu'encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je veux dire, il y a des familles qui, pour le moment, leurs enfants sont à l'école, mais imaginons ces enfants, et je leur souhaite pas, hein, mais imaginons que ces enfants, d'un seul coup, subissent du harcèlement scolaire. Mmh. Qu'est-ce que les parents pourront avoir comme recours si l'instruction en famille n'est plus possible? Et oui. On devra laisser nos enfants dans ces structures-là, en disant, est-ce que demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se répéter? Si nos enfants ont une phobie scolaire qui apparaît, qu'est-ce qu'on aura comme moyen pour les aider? Est-ce que ben on sera encore obligé de les laisser à l'école puisque l'instruction en famille ne sera plus possible? Mmh. Et parce que tout ça ne fait pas partie des handicaps. Ce ne sont pas des choses qui sont reconnues comme des handicaps à l'heure actuelle. Oui. Donc si effectivement on n'aura que des dérogations pour des motifs plutôt d'handicap, ben réfléchissons à tout ça parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et par ailleurs, j'ai une amie qui est enseignante spécialité qui là en fait nous rejoint dans le mouvement parce que elle est confrontée tous les jours à des injustices sociales au niveau des familles qui ont des enfants en autistique ou autres. Normalement, les enfants dans le cadre de l'inclusion sont inscrits à l'éducation nationale, enfin sont dans l'école publique, sauf que ces enfants-là devraient avoir une AVS ou un AVS à côté d'eux en permanence tous les jours. Et il y a plein d'enfants qui n'ont pas d'AVS. Et donc on a aujourd'hui des parents qui sont en situation de détresse et qui sont obligés de déscolariser leurs enfants pour que leurs enfants ne soient pas en souffrance. Tout à fait. Au sein de l'institution. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des obligations pour ces enfants-là d'aller à l'école publique pour s'immerger dans le monde, dans la découverte du monde et dans l'insertion, j'ai envie de dire, sociale, finalement. Sauf que, en fait, les moyens humains ne sont pas là. Donc, nous, c'est ce qu'on dit aussi. Est-ce que déjà on doit médicaliser le bien-être? Et si, effectivement, l'État estime qu'on doit médicaliser le bien-être, est-ce qu'on a quand même les ressources humaines nécessaires pour accompagner nos enfants? Est-ce qu'on a assez d'AVS? Est-ce qu'on a assez de personnes du dispositif du RAZED? Est-ce que, dans ce cas, il faut réouvrir des classes Ulysse parce qu'elles ont quand même été fermées sur le territoire des Vosges. Oui. Ça veut dire qu'il faut, il faut des ressources humaines, il faut des enseignants spécialisés. Et est-ce que ces ressources humaines-là, on les a aujourd'hui? Voilà. Ben, je crois que la réponse, elle est là. Non, on les a pas, ces ressources humaines-là. Donc, du coup, supprimer l'instruction famille, c'est aussi mettre en péril plein d'enfants qui finalement, la déscolarisation, est une solution pour leur épanouissement et leur bien-être. Alors, du coup, on invite les citoyens à bien réfléchir sur la question, à bien réfléchir sur tout ça. Et si jamais ils sont d'accord avec nous, s'ils ont envie de défendre notre cause parce qu'ils se sentent concernés, ou en se projetant, en se disant, c'est vrai que demain, si mes enfants sont dans ce cas de figure-là, est-ce que cette solution-là, elle sera encore à ma portée ou pas? Si c'est un message qui fait écho dans les esprits puis dans les cœurs, on invite à ces personnes à envoyer un mail, une petite lettre aux députés et aux sénateurs, voire même pourquoi pas au président et au ministre de l'Éducation nationale, pour faire valoir en fait notre voix de citoyen, parce que en plus avec cette deuxième vague de confinement, le débat citoyen ne peut pas vraiment se mettre en place. Et oui. Voilà. Donc, à part prendre son téléphone et prendre son stylo, son papier ou son clavier, on n'a que ça comme recours pour l'instant. Donc, si certains ont envie de nous aider, ils sont les bienvenus. Mais bien sûr, on ne manquera pas de relayer toutes ces informations, bien entendu, sur nos réseaux. Et puis, j'ai envie d'ajouter, quel message horrible on adresse à nos enfants s'ils sont en situation de souffrance et qu'on n'a aucune solution à leur proposer et qu'on leur, on a juste à leur dire, bien si tu es obligé parce que c'est comme ça. Ça, c'est révoltant, c'est impossible de regarder son enfant dans les yeux en souffrance et de devoir lui dire quelque chose comme ça. Impossible. Ouh, j'en suis toute retournée. C'est de l'impuissance parentale, en fait. Au bout d'un moment, je pense que quand on décide de laisser la place à un enfant de venir construire une cellule familiale, je pense qu'en tant que parent, au bout d'un moment, on le fait parce qu'on a des enfants, parce qu'on a envie de... On a envie d'être parents, on a envie de participer peut-être à la construction d'une société heureuse, épanouie, etc. Enfin, je pense pas être parent en étant impuissant. Enfin, je pense que là, à l'heure actuelle, moi, mon combat, j'ai autant d'émotions dans la voix parce que tous les jours, notre fille, elle me dit, non mais maman, mais moi, je veux pas aller à l'école. Mm. Moi, j'irai pas à l'école. Et du coup, je dis, mais Olive, en fait, si cette loi elle passe, il y a des personnes haut placées, des ministères, des députés, etc., des parlementaires, qui vote, qui décide que c'est bon pour tous les enfants de France d'aller à l'école, eh ben, en fait, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire pour se préserver de ça. Quelle est ton envie? Quel est ton besoin? Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de solution à apporter à notre fille si jamais l'école devient obligatoire. Oui, oui. Avec des, en plus, enfin voilà, nous on habite au Girondal Gajol, donc l'école la plus près de chez nous, bon, à part l'école alternative du Giron, l'école publique, ça serait le Val d'Ajol. Donc ça voudrait dire que mettre des réveils tous les matins, 15-20 minutes pour descendre en voiture, l'accompagner à l'école. Mais oui. Comme elle a des intolérances alimentaires, je pourrais pas la laisser à la cantine, il faudra aller la rechercher. Mmh. Donc, ça voudrait dire passer une heure par jour sur la route pour faire des allers-retours, pour l'amener à l'école. Le soir, je ne sais pas dans quel état on la retrouvera, parce que clairement, Olive, elle a besoin de calme. Elle aime être dans le mouvement, dans l'action, mais elle a vraiment besoin de temps, de calme, oui, pour apprendre. Et le soir, sinon, c'est une pile électrique, elle est intenable, c'est très difficile pour elle. Nous, on a un deuxième petit garçon de 18 mois, ça voudrait dire lui imposer un rythme, un nouveau rythme pour lui aussi. Enfin, nous, clairement, c'est une situation catastrophe qui s'envisagerait devant nous. Et puis, ben, nous, on travaille toute la semaine en tenant un jardin. Ceux qui sont dans l'hôtellerie restauration, ils travaillent les week-ends. Mmh. Donc, ils verraient quand leurs enfants allaient à l'école. Mais oui. Avec une scolarisation du lundi au vendredi, les parents qui travaillent le week-end, quand est-ce qu'ils verraient leurs enfants? Voilà. C'est ça aussi. C'est des choix de vie, de famille que l'on pose. Et donc, est-ce que maintenant, en France, moi, c'est une question ouverte. Est-ce qu'on a le droit d'imposer ce type de vie aux citoyens français? Est-ce que le citoyen n'est pas assez grand, assez responsable pour aussi poser des choix en accord avec ses valeurs? Parce que clairement, en fait, ça va être une intrusion dans la vie de famille. Ça va être un chamboulement général pour nous, cette loi passe. Et c'est pas que la question de le socle commun, ça va bien au-delà de ça. C'est un changement de vie radical pour toute notre famille, pour nous quatre. C'est un changement de vie qui ne sera pas agréable et que l'on subira. Donc, et on n'est pas les seuls à avoir cette vision-là. Donc voilà, c'est une vraie mobilisation, c'est vraiment quelque chose d'important qui est en train de se passer. Tout à fait. Et c'est pas le débat, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre l'école? Enfin, on n'est pas du tout là-dedans. On est pour la liberté d'instruction. Pour la liberté de mener notre vie telle que l'on le sent. Et en sachant que on est tout à fait pour, en fait, l'encadrement, le dispositif d'encadrement qui existe déjà est déjà bien complet. Et il faut savoir que les enfants maintenant des 3 ans sont quand même soumis à une évaluation individuelle qui dure au moins 2 à 3 heures, voilà, tous les ans, par un inspecteur et un conseiller pédagogique, en tout cas pour l'élémentaire et le pré-élémentaire. Et pour les enfants qui sont plutôt au collège et au lycée, ce sont des professeurs du rectorat qui viennent évaluer. Et nos enfants subissent pendant 2 heures consécutives des évaluations qui portent sur 1 an de connaissances. On ne connaît pas ça avant le brevet des collèges. Parce que, voilà, effectivement, le contrôle continu ne peut pas vraiment se mettre en place dans les familles, qui font l'instruction famille. Mais imaginez quand même, j'amène en fait les parents à se dire, qu'est-ce que ça ferait si on vous soumettait là, aujourd'hui, à 2 heures d'évaluation sur votre année écoulée d'apprentissage professionnel? Comment vous le vivriez? Comme un entretien d'embauche, mais de 2 heures. Ben, nos enfants, c'est ce qu'ils connaissent chaque année. Donc je pense qu'en termes de cadre et de contrôle, on est déjà bien bien surveillés. Et puis encore une fois, le taux de satisfaction, il est pas du 10 sur 20. Hein. Nous, si nos enfants ils ont 10 sur 20 aux évaluations, ils ont une contre-évaluation. Ah oui. Il peut même y avoir une obligation de scolarisation à la fin. D'accord. Le 10 sur 20 n'est pas toléré en instruction en famille. D'accord. Ça, il faut le savoir. Alors que l'enseignement public, le 10 sur 20 permet très souvent aux enfants de passer au niveau d'après. Tout à fait, oui. Donc, il y a un niveau d'exigence qui est supérieur, en fait, au niveau d'exigence qu'il y a au sein d'une structure scolaire traditionnelle. Voilà, donc voilà, en ayant tous ces éléments-là, ben, j'amène les citoyens à bien réfléchir, à reconsidérer peut-être leurs préjugés ou leurs prérequis sur l'instruction en famille. Et s'ils le souhaitent, ben, qu'ils viennent à notre rencontre, qu'ils viennent rencontrer nos enfants, qu'ils viennent nous rencontrer, et on sera ravis de leur expliquer de vive voix notre quotidien et comment on vit tout ça, quoi. Oui, oui. Bah merci beaucoup Marjolaine de m'avoir accordé ce temps pour nous parler eh bien de tout ça. C'est un sujet très très intéressant à découvrir avec toi. Beaucoup de choses mises en lumière que l'on ne connaissait pas. Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps. On te soutient, on soutient le collectif et tous ces enfants. On vous embrasse tous très fort et on se tient informés bien entendu. Oui, bah merci à toi Lia encore voilà d'avoir saisi ce sujet de société et merci bah aux citoyens qui se mobiliseront pour nous soutenir aussi et voilà, on perd pas espoir, on continue d'avancer et demain on a déjà voilà notre rendez-vous avec le député en visioconférence. Oui. Et on espère que la suite voilà ira dans le bon sens. Et oui. De la protection de la liberté et non pas en faveur de loi liberté. Tiens-nous informés. Pas de problème, je n'y manquerai pas. Force et honneur. Oui, tout à fait, au lait-cœur. Force et honneur et au lait-cœur. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Lia, au revoir. Merci encore mille fois Marjolaine de m'avoir accordé ce temps pour nous parler de ce sujet tellement important, cette liberté. Voilà, si vous avez envie de vous mobiliser, eh bien surtout n'hésitez pas. Alors juste avant de se dire au revoir, je te propose un dernier son de Salt pour la chanson Free. Je vais y arriver, je suis toute chamboulée moi. On écoute ça et on se retrouve juste après. Don't need a hero anyway, although I really like your style. Don't need a hero. Merci auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Micro Ouvert. Cette émission sera en podcast dès demain sur nos pages Facebook. Prends bien soin de toi et des autres. Kiss.